Fadjet, presque ensemble. Bonjour à tous, chers auditeurs de Fadjet, et bon réveil, et surtout bienvenue dans notre nouvelle émission Fadjet presque ensemble. Alors le concept est simple, Aurélie et moi-même dans les studios de Fadjet du 47 rue Charles III à Nancy, et nos chroniqueurs, eux, sont à distance, normalement face à leur ordi chez eux, mais vous allez bien sûr pouvoir les entendre. Bonjour Aurélie. Salut François, bonjour à tous. Ça va ? Eh ben écoute, comme un samedi matin à 8h30. Oui, on n'a pas l'habitude. Enfin moi j'ai un petit peu plus l'habitude, mais là, en ce moment non. En ce moment on fait un peu les matinales à distance, donc j'ai repris un système du soir, mais là maintenant on se remet au matin. Et pour ce nouveau concept, donc on a nos chroniqueurs qui sont à distance, est-ce que tu peux nous les présenter ? On va faire un petit tour d'écran et non un tour de table comme on a l'habitude de faire. Et donc c'est un projet d'émission qui sera très certainement mensuel, l'occasion de regrouper les différents animateurs de Fadjet qui en général font leurs émissions chacun un peu de leur côté. Donc là on va essayer d'en retrouver un maximum, ouais. De diversifier aussi les équipes. Ils viennent avec leurs idées, leurs passions et surtout leur bonne humeur en ce samedi matin. Petit tour d'horizon. Oui. On va commencer par les filles. Bah bien sûr. On a avec nous Joss. Salut Joss. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous, et un mercredi, un samedi pluvieux. Oui, un peu demain. Mais ce matin, j'ai quand même pris mon citron avec du gingembre pour être en forme. Et Joss, de quoi tu vas nous parler ce matin ? Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui quelque chose qui me tient à cœur. C'est le futur dans les échanges et surtout une nouvelle idée écologique, la monnaie virtuelle. Ah. Très bien, très intéressant. On verra ça tout à l'heure. Également avec nous, Isabelle. Salut Isabelle. Tous, ça va ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Alors toi, tu vas nous parler d'amour ? Ben oui, je vais vous parler de la Saint-Valentin. Ah, on va embrasser à travers une caméra aujourd'hui, ça va être sympa. Ça va être sympa cette année. C'est parce qu'on est tous heureux de se retrouver. Oui, ben oui, c'est comme ça. Saint-Valentin virtuel, voilà. Certainement pour 2021. Avec nous également, Jérôme. Salut Jérôme. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour Jérôme. Il s'est pas couché en fait, voilà, Jérôme. Tu t'es pas couché, t'as fait la fête toute la nuit, toi. Je prolonge, moi, j'ai pas. Et on fait gaffe, il y a le couvre-feu. Il est en after, il est en after, Jérôme. Alors Jérôme, toi tu vas nous parler musique et musique de film aujourd'hui. Voilà, dans le prolongement de mon émission La Boîte à BO, je reviendrai effectivement sur un compositeur, Vladimir Kosma, qui depuis 40 ans engrange des royalties grâce à une chanson que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Et puis j'évoquerai également les 35 ans donc, du décès de Daniel Balavoine. Eh oui. Très voilà. Bien. On poursuit notre tour d'écran avec nous également Julien. Salut Julien. Salut à tous. Alors toi tu vas nous parler d'un sujet très sérieux aujourd'hui. Oui, je vais vous parler de l'abolition de la peine de mort et de Robert Badinter. Très bien. D'accord, d'accord. Vous avez remarqué que chacun a sa petite particularité sonore, hein, c'est pas fait exprès. Mais on le rappelle, on est à distance. On est à distance. Il y en a certains qu'on entend un peu moins que d'autres. On essaiera de faire quelques réglages en cours d'émission. On poursuit avec Alex. Salut Alex. Bon matin à tous, c'est un plaisir de me réveiller avec vous. Bah oui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de radio. Bah oui Alex, oui. Et moi, ma passion, c'est la musique principalement, et j'arrive avec des chroniques qui vont porter sur des hallucinations auditives, ainsi que des ressemblances entre différentes chansons. Et avec cette particularité, Alex, c'est qu'il faut un fin technicien pour faire ces chroniques, parce qu'il faut être à la. Hein, Comment on va faire alors ? C'est pas avec moi que ça. Bah oui, on va être bien embêté ce matin alors. Mais je vais essayer, j'ai tout. Là, je me suis entraîné, Alex. Je te promets, je ferai aucune faute. C'est la première. J'en suis ravi et j'ai foi en toi. Merci. On y croit, François. On poursuit avec Johan. Salut, Johan. Salut tout le monde. Bah voilà, une première pour moi en matinale. Hein. Je suis plutôt en soirée actuellement à la radio, donc ça change de créneau, quoi. Et donc voilà. Tu vas nous parler de quoi ce matin ? Eh bien, moi, je vais parler de quelque chose d'inédit. Hein. On abandonne les émissions rock, on abandonne les geeks, on va aller se balader et partir à la découverte de notre patrimoine, qui est une autre de mes passions. Voilà, j'en ai pas encore fait d'émission radio, mais et ben voilà. Peut-être un jour. Une chronique, en tout cas pour le moment. Et on termine ce tour d'écran avec Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je vais mettre en avant une association de Nancy dans le cadre de l'émission que j'ai eu la chance d'animer une seule fois, parce que le confinement est arrivé par la suite. Donc, c'est bien évidemment un soutien aux acteurs de la vie associative. Et donc ce soir, je mettrai en avant une association, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et bien même en fait tout de suite, Philippe, puisque c'est toi qui vas démarrer cette émission. Et donc on va commencer par la présentation de cette association. On a un petit jingle en technique ? Fadjet, presque ensemble. Oui, on le rappelle, cette émission c'est de 8h30 à 10h. Pour l'instant, un samedi par mois, Aurélie, on verra selon notre cadence matinale. Et puis si on a des animateurs motivés pour nous apporter du contenu aussi chaque mois, donc on compte sur vous. Également que ça se renouvelle un petit peu, mais voilà, sans eux, on fait rien. On peut rien faire, on peut rien faire. Alors on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Philippe, et tu ouvres le bal. Alors pas de souci, mais avant de présenter l'association, je tenais quand même tout d'abord à vous présenter, parce qu'on a le droit jusqu'au 31 janvier, à vous présenter tous mes bons vœux pour cette nouvelle année, surtout la santé pour vous et vos proches. Merci Philippe. Voilà, je vais mettre en avant donc aujourd'hui une association culturelle. Vous le savez sans doute, actuellement la culture est en pleine souffrance. Donc il s'agit de l'association Lorraine de musique de chambre, ou la LMC, qui fut fondée en 1947 par un groupe d'amateurs de musique désireux d'entendre à Nancy les musiciens les plus prestigieux et de faire partager ainsi leurs préférences. Cette association a organisé plus de 550 concerts et récitals. Une pareille continuité est exceptionnelle. Elle a constitué un public fidèle, compétent et passionné, dont l'écoute attentive ravit les musiciens invités, pourtant habitués aux salles les plus prestigieuses. Tous les concerts se passent à la salle Poirel de Nancy. La LMC est une association loi 1901, animée par des bénévoles. Son budget est constitué par les recettes d'abonnement, de billetterie qui couvrent ensemble les frais des concerts. Une subvention substantielle de la ville de Nancy et une aide financière de la SPEDIDAM, qui est un organisme d'aide au projet, complète le financement de chaque saison. Cette association ne dispose d'aucune structure fixe, toutes les tâches étant prises en charge par les membres bénévoles de son bureau. D'autres bénévoles peuvent apporter leur concours pour des opérations spécifiques ou ponctuelles. L'association propose tous les ans un spectacle enfant-famille qui rencontre un gros succès. Le bureau est composé de 3 personnes bénévoles, Philippe Fosseux, le président, Jean-Marie Cordier, vice-président et trésorier, et Ghislaine Dalman-Richard, chargée de communication et des relations avec les publics. Si les décisions gouvernementales le permettent, l'association Lorraine de musique de chambre aura le plaisir de vous présenter le spectacle Enfants-Famille le dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, à 14h30 et à 17h30, salle Poirel à Nancy. En effet, il y a bien 2 horaires de programmés pour respecter les recommandations de la crise sanitaire. Alors, vous allez me dire, quel spectacle ? Bah oui, eh bien, quel spectacle ? Simplement... Oui, allez-y, quel spectacle, Philippe ? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Eh bien, c'est tout simplement Le Petit Prince à travers les étoiles, d'après Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, paru aux éditions Gallimard en 1945. On retrouvera sur scène, si tout se passe bien, le duo Jatteloc, piano 4 mains, Julien Cottereau, mime comédien, et Fan des rues pour la mise en scène. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de l'AMC, hein, www.almc.fr, ainsi que sur la page Facebook et sur Instagram. Voilà, je voudrais remercier Ghislaine Dalman-Richard, chargée de la communication et des relations avec les publics, alors que j'embrasse bien évidemment, avec qui j'ai travaillé pour vous présenter cette association. Voilà, j'en ai fini, prenez bien soin de vous, et à très vite sur les antennes de Fadjet Nancy pour de nouvelles aventures. Merci Philippe, mais tu restes bien sûr avec nous. Je reste avec vous. Je l'espère, parce qu'en ce moment, il y a aussi un gros point d'interrogation, j'en parlais tout à l'heure, sur la culture en règle générale. C'est suffisamment compliqué aussi pour tous les acteurs de la culture, de pouvoir produire du spectacle à distance, du spectacle musical à distance aussi. C'est pas évident en ce moment. Donc en tout cas, à noter, la LMC, l'Association Lorraine de Musique de Chambre, salle Poirel, le 14 février, si tout va bien. Voilà, deux représentations, 14h30 et 17h30. Très bien. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Allez, on poursuit cette émission Fadjet presque ensemble. C'est la première. On prend nos marques, hein, tranquillement, avec Aurélie. C'est le matin, j'espère que vous allez bien. Nous, le matin, on est en forme, hein, avec Aurélie. Moi, j'ai fait des petits tours de Fadjet là-haut. Oui, on a fait des montées d'escalier, on s'est bien échauffé. Ouais, on a tout fait, tout bien. Nos chroniqueurs qui sont à distance chez eux aussi se sont levés bientôt. On espère en tout cas que vous allez passer un bon début de matinée en notre compagnie. On poursuit cette émission avec qui ? Alors, on va continuer à découvrir du local avec Johan qui avait envie de nous parler de patrimoine ce matin. Et oui, on va rester donc sur la thématique de la culture hein, qui est en souffrance. En ces temps de couvre-feu qui remplissent les magasins à l'excès, on a bien besoin de trouver des lieux isolés du monde ou prendre l'air loin de la populace en ces temps difficiles. Donc, au travers de cette petite chronique, je vais en profiter pour vous présenter des petits chemins de traverse afin de découvrir les lieux cachés ou méconnus de notre patrimoine. Sortez les baskets, bol d'air garanti. Aujourd'hui, Fadjet étant à Nancy, on va commencer par Nancy, avec l'un de ces petits quartiers méconnus, le quartier de la Citadelle. Coincé entre la porte de la Craff, qui a été commencée sous le duc Jean Ier en 1370, à laquelle ont été ajoutées ces deux fameuses tours de ronde que tout le monde connaît à partir de 1463, la porte de la Craff reste à ce jour l'unique vestige des remparts médiévaux qui protégeaient Nancy avant la construction des remparts de Vauban. Fermant le quartier à son haute extrémité, il y a la porte de la Citadelle, construite par Charles III à partir de 1598. Ce quartier, autrefois ouvrier, fut construit sur les anciens jardins qui étaient présents au pied des remparts médiévaux. Au-delà de la construction plus tard liée à l'urbanisation de la ville, des boulevards Charles V à l'ouest, de la rue Grandville à l'est, de la faculté des sciences en 1854, de l'Institut des mathématiques et de la physique en 1920, ainsi que de l'administration des bâtiments du rectorat entre 1963 et 1966, ce quartier a bien failli disparaître définitivement sous le béton. Ne subsistent à l'heure actuelle de cet ancien quartier ouvrier que les 13 aux 17 rues de la Citadelle, ainsi que les casernements de la rue Cellier, où étaient installés le génie et le bureau du recrutement pour nos chers soldats sur les remparts. Et ça donne accès à ce lieu méconnu qu'est le jardin de la Citadelle. Donc, il faut savoir qu'au-dessus de la porte, il y a des bâtiments nobles où étaient, à l'époque, résidaient, on va dire, les troupes hein, qui protégeaient les remparts de la ville, avec, à l'étage supérieur, les simples troufions dans leurs petites chambres. Et bien sûr, au-dessus de ces remparts, qu'y a-t-il encore aujourd'hui ? Les fameux jardins. Donc, cette petite bulle de fraîcheur qu'est le jardin de la Citadelle offre aux visiteurs un lieu discret en plein centre-ville. C'est au 47 rue Henri Deglin, en empruntant une petite porte aménagée dans les remparts de la vieille ville, que l'on accède à un jardin discrètement implanté sur les hauts des fortifications. Protégé des regards par un mur d'enceinte qui encadre la porte de la Citadelle, ce havre de paix est aménagé comme un jardin simple aux inspirations Renaissance. Il délimite les anciens espaces d'enceinte de la porte Citadelle à l'ancien Bastion-le-Duc, aujourd'hui recouvert des immeubles construits entre l'angle de la rue Deglin et de la rue Grandville. Dans ce petit carré, cerné de buis, on y trouve des plantes médicinales ou aromatiques, tandis que le parfum des roses anciennes ou du chèvrefeuille embaume l'air. De grands arbres ombrageant à souhait les bancs et les allées en plein été, vous invitant au repos et à la fraîcheur. Avec la désaffection d'ailleurs des bâtiments du rectorat de ces dernières années et l'abandon par le Crous, donc des logements étudiants, le quartier sera en pleine mutation très prochainement avec, entre autres projets, l'extension de ce petit jardin méconnu. Donc, affaire à suivre. N'hésitez pas à aller découvrir ce petit lieu coupé du monde qui vous fait voyager à travers le temps. Merci Johan pour cette chronique historique. J'aime à penser moi souvent de quelle couche sociale j'aurais pu faire partie à cette époque, et je pense que j'aurais été le petit troufion dans sa chambre. Je pense, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense que j'aurais alors dit... qu'aujourd'hui tu es plutôt du genre à aller prendre l'apéro sur la porte de la citadelle, ouais, dans les petits jardins. Mais toujours en votre petit troufion. C'est important. Merci Johan, en tout cas tu nous as fait bien voyager. On va faire une pause musicale et on va écouter, ça c'est une proposition de Joss je crois. Tout à fait. On va écouter Julien Doré avec son dernier titre qui est nous issu de l'album Aimé. Et alors il a une particularité, c'est que il a fait un filtre en ce moment. Je sais pas si tu as suivi ça, il a fait un petit filtre sur ce titre là qui est un filtre un peu dinosaure avec des T-Rex, Julien Doré qui est assez actif sur les réseaux sociaux. Il est bien taclé aussi ceux qui font des vannes sur lui ou sur, ouais, ses chansons. Ouais. Il a ce second degré qui est plutôt cool, et donc il faut savoir quand même que son album a été déjà sacré disque de platine. Alors on l'écoute tout de suite, c'est Julien Doré. Vous êtes sur Fadjet et c'est Fadjet presque ensemble. Avec son titre Nous sur Fadjet. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Ensemble. Et oui, on est presque ensemble, les amis, c'est la première de notre émission. On se samedi 30 janvier. T'étais pas très sûr de la date, hein. Si, je mettais un peu de suspense. On est très heureux d'être avec vous, bien sûr, pour cette première de Fadjet presque ensemble. On a fait le test à Noël avec nos chroniqueurs à distance. On trouvait que le concept pouvait être plutôt cool parce qu'en ce moment, les chroniqueurs et les animateurs bénévoles ne sont pas dans les studios de Fadjet. On le rappelle, hein, ouais, crise sanitaire oblige. Oui. Vous êtes trop nombreux, hein. Si on vous accorde tous le droit de revenir, ça fait beaucoup trop de monde, 150 personnes dans les studios. Donc pour pas pas prendre de risques. On fait du à distance. Et puis bon, ça s'y prête plutôt bien. On mettra des petites photos. On va essayer de relayer aussi sur les réseaux sociaux pour voir leur belle bouille du matin. Vous allez voir, hein, chacun a sa petite tête à lui. Hein. Ils sont en forme. Et nous aussi, on est content de vous faire passer un bon début de matinée. Et on va poursuivre cette émission avec, avec qui, Aurélie ? Alors, c'est Joss qui va poursuivre en cette matinée de ce samedi. Et on va parler d'un système d'échange monétaire. C'est bien ça, Joss ? Tout à fait. Je vais vous parler d'un nouvel échange qui sera le futur pour moi. Et j'y crois. Et à la fin de mon récit, je vais faire comprendre à François pourquoi je vais l'utiliser. Ah bon ? D'accord. Oui. Utiliser François ? Oui, elle m'utilise tout le temps. Tous les mardis, elle m'utilise. Elle muse, j'en peux plus. Utiliser cette nouvelle monnaie. Ah d'accord. Ah. Non, mais il y a un lien particulier entre Joss et moi. On s'appelle tous les lundis soirs. Oui, on peut rappeler alors, d'ailleurs. Joss va comprendre au fur et à mesure de mon récit, je pense qu'il va deviner pourquoi je vais utiliser cette monnaie virtuelle. Joss, je fais juste une parenthèse. On rappelle que tu fais partie de la matinale de Fadjet depuis un certain temps. C'est pour ça ce lien si particulier d'ailleurs, avec François. On essaiera de rappeler à tout le monde un petit peu les émissions de chacun. Vas-y, ma Joss. Alors, samedi, tu sais que demain, c'est mon anniversaire. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'elle me l'a dit l'autre jour. C'est son anniversaire demain. La monnaie virtuelle, qui est caractérisée par l'absence de support physique, alors bien sûr, pas de billets, pas de pièces, mais qui est non périssable et identifiable. Avant de vous parler de l'association Cabocel, qui est un système d'échange local, je vais vous faire un petit tour en arrière pour vous parler de l'évolution de l'origine locale, échange trending, système. Il faut savoir que de tout temps, le troc a été pratiqué surtout dans les campagnes. En moins 9000 avant Jésus-Christ, les hommes primitifs troquaient leurs biens. Avant 1000 ans avant Jésus-Christ, en Chine, on retrouve les premières répliques de la monnaie virtuelle comme le coquillage et le sel. Un peu plus tard, pendant la crise des années 30, les premiers échanges en Autriche, le Kingawer, qui ressemble à des billets de Monopoly pour favoriser les échanges chez les commerçants locaux, qui celui-ci ne pourra dépenser que dans sa région parce que la monnaie ne devra pas sortir du territoire. En 1976, les gens de Vancouver, au Canada, manquent d'argent. Et alors, à ce moment-là, David Winson lance un système d'échange communautaire à la mesure des échanges fondés sur le temps et la valeur du salaire minimum. En 1994, on arrive chez nous, dans l'Ariège, en France, un système d'échange services et produits qui est créé surtout au sein de groupes fermés, dits associations. Et il existe en France 600 actions SEL, généralement classées dans l'économie sociale et solidaire. Pour arriver en 2014 à la création de Cabocel à la MJC Lorraine, située à Vendeuf, 1 rue de Lorraine, à l'initiative de 4 personnes. Après une grande discussion, un projet prend forme. Le système d'échange local, un sel qui repose sur une envie de partage, d'entraide, de simplicité et surtout de convivialité comme nous avons tous les mardis. Oui. Comme tous les sels, Cabocel instaure une monnaie virtuelle, la Cabosse. Alors il faut savoir que 4 Cabosses équivaut à 1 heure d'échange. Tout échange confondu, t'as toujours pas trouvé ? Non, toujours pas. Toujours pas, mais. Alors, on peut échanger savoirs, le temps, les services, l'expérience et aussi l'apprentissage à l'anglais. Ben oui, je m'en doutais un petit peu quand même. Oui, effectivement. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est sa particularité. Peu peur quand même, hein, mais... Oui, moi aussi au début j'ai cru que. On est samedi matin, j'ai cru qu'on était sur du corporel. non, mais pas du tout. C'est que Joss fait particulièrement d'efforts depuis le début, les années où elle fait de la radio pour parler anglais. Vous l'avez pas eu. Vous avez bien vu d'ailleurs ce matin. Mais je n'aime pas. Bon, c'est comme ça. Oui. Cabocel met en œuvre un fonctionnement, un répertorier les échanges sur un tableau, une réunion un lundi de chaque mois de 18h30 à 20h30. Il y aura les possibilités de communiquer et proposer aussi par Internet. Il y a Lors de l'adhésion, Cabossel vous offre 30 cabosses pour vous accueillir dans une belle convivialité d'une chaîne humaine. Il faut savoir que pour pouvoir bien sûr participer à tous ces échanges, il y aura une carte d'adhésion de la MJC Lorraine de 8 euros et de 3 euros pour faire partie de l'association Cabossel. Et c'est bien pour ça que je te disais, François. Oui, c'est vrai. Pour apprendre l'anglais. Tous les services, même jusqu'à la garde des enfants. Et donc, tu échangerais quoi, Joss, contre des cours d'anglais? Alors moi, je tapisse, je peins, je couds, je customise les meubles. Elle joue très bien la pétanque aussi. Je joue très bien la pétanque. Ouais. Je peux vous distraire pour mes devinettes avec mes devinettes. Voilà, non, elle a plein de choses. Ouais. Et j'ai quand même beaucoup d'humour pour donner une bonne chaîne humaine. Merci, Major. C'est peut-être l'avenir, finalement, de ne plus monnayer avec une véritable monnaie. Il y avait déjà le florin qui était un petit peu... Qui existe toujours. Oui, il y a eu plusieurs monnaies virtuelles. Merci. Voilà, j'avais une préférence pour vous parler du futur. Oui, Jérôme, tu voulais dire quelque chose. Une petite question, oui. Il y a combien de personnes qui ont adhéré à cette monnaie? Alors, il y a 80 adhérents pour le moment. Et c'est Christine et Alain qui s'occupent d'organiser, de préparer. Alors, vous pouvez toujours joindre par cabossel@laposte.net au 03 83 41 20 95. J'ai rencontré ces personnes et elles sont vraiment enthousiastes par ce qu'elles font. Ben c'est pas une monnaie locale, c'est vraiment un système d'échange. C'est ça. Un système. C'est pour ça que c'est pour moi, la cabosse, ce sera une monnaie virtuelle, mais qui sera simplement inscrite sur un tableau pour qu'il y ait une mise à jour et qu'il y ait une possibilité de dire ben, je vous propose ça, en échange, j'ai besoin d'une heure de tricot. Voilà. Oui. Mais elle est vraiment virtuelle, hein, là. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a besoin, par exemple, de réparer un aspirateur ou n'importe quoi. En échange, je peux garder des enfants ou coudre, ou il y a plein de choses. Et est-ce qu'on peut se prêter aussi du matériel? Par exemple, je peux prêter la tondeuse. Je pense qu'il y a aussi également, il y a de la vente. Hein. Le jour des réunions, il y a des possibilités d'apporter des éléments à vendre. Hein, des échanges aussi peut-être de matériel à utiliser. J'ai fait un minimum de panoplie, mais je pense que ça peut être très large. En tout cas, le circuit court. Ouais. Oui. Merci Joss pour le coup de projecteur sur cette belle initiative. Affaire à suivre, comme on dit. On va poursuivre cette émission Fadjet presque ensemble. Fadjet sur 94.2. Alors, on va poursuivre l'émission. D'ailleurs, tu avais la parole il y a quelques instants, Jérôme. Exactement. C'est avec Jérôme. Voilà, Jérôme, oui, t'es échauffé un petit peu la voix. Tu vas nous parler de BO de film, puisque, on le rappelle, Jérôme, tu nous proposes chaque semaine la boîte à BO, une émission musicale consacrée aux BO de film. Et également, petite parenthèse, l'Instant Écho, où là, on est sur une émission économique. Chaque semaine également, à retrouver en podcast sur le site de la radio. Et donc, aujourd'hui, on parle de Vladimir Kosma. Voilà, content de vous retrouver en ce samedi matin. Je vois que tout le monde est en pleine forme, c'est parfait. Et effectivement, je vais revenir sur Vladimir Kosma, qui, avec plus de 500 musiques de films à son actif, est l'un des grands compositeurs de musiques de films en France. Alors, il faut savoir que Vladimir Kosma est né à Bucarest, en Roumanie. Il est issu d'une famille de musiciens, puisque son père était pianiste et chef d'orchestre donc à Bucarest, et sa grand-mère, pianiste, concertiste et élève d'un grand musicien. J'étais condamné à faire de la musique, je n'avais jamais imaginé faire autre chose, disait récemment donc Vladimir Kosma. Alors son premier succès date de 1972 avec un film d'Yves Robert. Alors on va faire un petit blind test, vous allez essayer de retrouver quelle est la bande originale de ce donc, film qui a permis à Vladimir Kosma de se faire connaître en France. Se dit « Oh, je connais !» Mais je trouve pas le titre. Alors on peut lever la main. La chèvre. Non, Isabelle. Et Isabelle non, elle disait la chèvre, non. Ah, mais... 1972, Isabelle. 1972. Alex, tu vas trouver, toi. Un film d'Yves Robert. Non. La soupe aux choux, c'est après, je crois. C'est les années 80. Ah, merde. C'est pas avec Jean Rochefort, le film? Non, mais un autre grand acteur. À Allez, un petit indice. Ah, ça parle pas à Philippe parce qu'il a beaucoup de cheveux, cet acteur. On aime bien les chaussures. Ah, on aime bien les chaussures. Ah, le grand blond avec les cheveux. Alors, Philippe, le vrai titre, c'est. Le grand blond avec une chaussure noire. Très bien. Le grand blond. Très bien, bravo. On peut l'applaudir. Bravo, Philippe. Voilà, c'est cette musique qui a fait vraiment décoller la carrière du compositeur. Donc, cette musique avec flûte de Pan donc, en soliste donne une couleur qu'on n'avait jamais utilisée au cinéma, devenant vraiment un très grand succès musical. Alors moi, je vais revenir un petit peu donc, sur un autre film qui date cette fois-ci de 1980, qui est aussi un grand classique du cinéma et une véritable mine d'or pour Vladimir Kosma. C'est le film « La Boum » qui rapporte effectivement chaque année une fortune à Vladimir Kosma. Dans sa riche carrière, donc, son chef-d'œuvre le plus populaire reste sans doute la musique de ce film qui est sorti en 1980, réalisé par Claude Pinoteau et qui est devenu culte pour avoir révélé l'actrice Sophie Marceau, qui, vous savez, est la personnalité préférée des Français avec Jean-Jacques Goldman. Et puis, pour ses chansons mythiques, dont « Reality » qui a été interprétée par Richard Sanderson. Et récemment, Vladimir Kosma est revenu sur le destin donc, de ses chansons qui lui rapporte donc le plus d'argent, puisque chaque année, il touche 250 000 donc, euros pour donc, les droits d'auteur de cette musique. Donc une somme rondelette qui serait en réalité bien plus élevée, puisque cette somme correspond seulement aux droits d'auteur qui viennent de la SACEM, sans compter les droits en plus. Par exemple, actuellement, si vous regardez la télévision, il y a une publicité avec Uber Eats qui utilise cet extrait de cette vidéo. Voilà donc, je pense que vous êtes pressé, donc il y a la demande générale. On a tous envie de l'écouter. Un extrait de cette bande originale Reality, interprétée par Richard Sanderson. Mais juste avant de dire ça... Même plus qu'un extrait, on va danser le slow ce samedi matin. On danse jamais suffisamment de slow le samedi matin, comme ça, tu vois. C'est plutôt le vendredi soir ou le samedi soir. Mais je voulais juste revenir sur un truc que tu disais, c'est vrai que Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman sont les personnalités préférées des Français, et finalement, ce ne sont pas des personnalités qui sont très visible du monde médiatique ou sur les réseaux sociaux ou autres. Et Jean-Jacques Goldman, je crois, disparu depuis. On ne le voit plus. Alors il est toujours là. Il a refait pendant le confinement des choses. Il écrit encore beaucoup. On ne le voit pas du tout. Et pourtant, il reste depuis des moultes années la personnalité préférée des Français. C'est peut-être pour ça. Vivons cachés à distance des autres. Voilà. Non, j'aime pas ça. Bon, allez, on va faire un petit slow, les amis. J'ai envie qu'on s'embrasse ce matin. Allez. Enlacez-vous ce matin chez vous, vous avez le droit. Si vous êtes dans le même foyer, vous avez le droit. Pas de distanciation physique. En revanche, n'allez pas chez le voisin pour danser ce slow. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Ah, Ah, ça danse ce matin. Je suis sûr que vous dansez devant vos cafés. J'en suis sûr, je le sens. Ou avec vos cafés. Ou avec vos cafés si vous êtes tout seul. Avec tes mugs. Ce qui est encore plus triste. C'était Vladimir Kosma avec Reality sur Fadjet. Fadjet, presque ensemble. Alors, les amis, il est un petit peu plus de 9h. On est bien ensemble jusqu'à 10h ce matin. On va essayer de tenir jusqu'à 10h. On va essayer, oui, c'est pas encore sûr. On sait pas si on va tenir sur la durée. Ils ont l'air bien réveillés, je pense pas qu'ils vont se rendormir. Bah non, on a réveillé tout le monde, là, c'est bon, le réveil a sonné. Par contre, on parlait amour quand même, hein, juste avant. Mais on va rester dans la thématique. On va rester un petit peu dans l'amour avec notre chère Isabelle qui va nous parler notamment de la Saint-Valentin, bah oui. Je crois. Après cet extrait de la Boum, forcément, on va parler de la Saint-Valentin. Bah oui, obligé. Ah oui. On y arrive tout doucement en plus. Avec notre chère Isabelle, on rappelle, qui est chroniqueuse dans En passant par la Lorraine sur Fadjet, et puis qui a participé aussi beaucoup à la matinale. Ouais, elle participe à la matinale du vendredi. Toujours. Toujours. Alors, d'où vient la Saint-Valentin, Isabelle ? Alors, la Saint-Valentin, pourquoi a-t-elle été fixée le 14 février et d'où vient-elle ? Alors, si aucune histoire n'est officielle, plusieurs légendes seraient à l'origine de cette fête des amoureux. La légende la plus ancienne serait liée aux Lupercales, les fêtes de la fertilité qui avaient lieu dans la Rome antique, en l'honneur de Lupercus, le protecteur des champs et des troupeaux. On fêtait les Lupercales entre le 13 et le 15 février de chaque année. Une fête bien moins romantique que notre Saint-Valentin. Le rituel de ces journées était la course des Luperques. Les hommes couraient après les femmes et les frappaient avec des pots de bouc. C'est sympa, c'est beaucoup moins romantique que ce qu'on fait aujourd'hui. Avec des pots de bouc, c'est ça que t'as dit souvent. On dit souvent c'était mieux avant, mais là non. Hein. Là non. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah oui, c'est ça. Déjà offrir une peau de bouc, mais alors lui foutre des coups de peau de bouc sur la. C'est pas possible, Isa, quand même. Merci. Alors, le but des peaux de bouc, justement, c'était assurer aux femmes d'être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse. Ah. Alors, elles ont été interdites quand même en 494. Donc, ces célébrations païennes ont été remplacées par une fête chrétienne de la purification, la Chandeleur, et une fête de l'amour et de la fécondité, la Saint-Valentin. Donc ça, c'est la première théorie. Une autre théorie raconte qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, un prêtre nommé Valentin célébrait en secret des mariages, interdits par l'empereur Claude à l'époque, qui craignait que les soldats ne s'attachent trop aux femmes. Lorsque l'empereur Claude apprit l'existence de ces unions secrètes, il fit emprisonner Valentin. Le prêtre fit alors connaissance de la fille de son geôlier, aveugle. On raconte qu'il lui rendit la vue et lui adressa une lettre signée « Ton Valentin ». Valentin a été décapité le 14 février 270. Après la chute de l'Empire romain, il fut canonisé en 1496 en l'honneur de son sacrifice pour l'amour et devint officiellement le saint patron des amoureux. Ouais, pauvre, la fête. Hein. Pardon. Sans tête, ça, c'est compliqué. Mais l'amour fait perdre la tête. Hein. Oui, c'est vrai. Et une dernière légende qui remonte au XIVe siècle. À l'époque, on croyait en Angleterre que le 14 février était le jour où les oiseaux s'accouplaient. Et pendant cette période, les amoureux avaient coutume de s'échanger des poèmes d'amour et de s'appeler Valentin. La tradition fut relayée par un chevalier poète, Otto de Grandson, puis rapportée en France par Charles d'Orléans au XVe siècle. Convaincu, il institue officiellement cette pratique à la cour de France à son retour de la campagne d'Angleterre. Il sera désormais d'usage, le jour de la Saint-Valentin, d'envoyer à sa bien-aimée un tendre message amoureux. Alors, bien sûr, en France, on a l'habitude de fêter la Saint-Valentin au restaurant, des fleurs, du chocolat. Eh bien, il y a des façons bien plus drôles dans le monde de fêter la Saint-Valentin. Ah, j'ai hâte. Alors, par exemple, au Japon, les femmes offrent des chocolats donc aux hommes le 14 février, notamment sur leur lieu de travail. Et le 14 mars, jour du White Day, c'est au tour des hommes d'offrir un cadeau à leur tendre moitié en guise de remerciement. Et en particulier sur le lieu de travail, d'accord. En particulier sur le lieu de travail, oui. Ok. Également dans les lycées, les écoles, c'est très très populaire, effectivement. Voilà. D'offrir des chocolats partout comme ça, d'accord. Bon, bah très bien, merci. Oh, merci Philippe. Merci Philippe, qui nous envoie un petit message, on dit à nos auditeurs, je vous aime, sur un voilà. petit Philippe tableau. Vous aime tous. Si, nous aime tous. Ensuite, on peut les fêter autrement, je pense. Ah oui, bien sûr. Alors, en Finlande, il y a un truc très très drôle, il existe le championnat du port de femmes. Ah oui, le jour de la Saint-Valentin, bien sûr, donc... C'est une course d'obstacles entre couples dans laquelle le mari porte sa femme et celui qui finit la course le plus rapidement gagne le poids de sa femme en pierre. Ah, ça c'est intéressant. Donc si tu as une femme pas très lourde, c'est facile de gagner, mais tu ne gagnes pas beaucoup de bière. Ouais, et tu gagnes moins de bière, ouais. C'est ça. C'est moins drôle du coup. Voilà. Le choix doit être compliqué quand même. Ouais. Hein. C'est ça. Tout est mieux sauf la peau de bouc hein, dans la tronche. En Écosse, il y a aussi une jolie tradition qui veut que si on rencontre une personne du sexe opposé dans la journée de la Saint-Valentin, on peut lui demander d'être Saint-Valentin ou sa Valentine, son Valentin, pardon, ou sa Valentine pour la journée. Ah. Donc sans connaître la personne. Ah ben c'est bien, du coup tu peux changer comme ça, c'est pas mal. Puis sur une journée, voilà. Tu t'engages pas trop. C'est ça. Vous en voulez encore ? Bah oui, encore un peu. Si t'en as d'autres, vas-y, on prend. Ok, alors à Singapour, la nuit du 15e jour du festival de la Saint-Valentin qui commence le 14 février, les femmes non mariées écrivent des mots d'amour sur des mandarines et les jettent dans un fleuve ou une rivière dans l'espoir de trouver un mari aimant et fidèle. J'ai eu peur, je crois qu'elles devaient les jeter sur les hommes. Après les pots de bouc, non. C'est pour se venger. Oui, bah oui, c'est ça. Réciprocité, c'est ça. Égalité des sexes. Au Danemark, oui. La tradition veut que les garçons envoient une carte aux filles. Oh. Jusque-là, rien d'anormal. C'est mignon, c'est mignon. Sauf que ces cartes appelées, alors, gay et que bref, je pense que ça se dit comme ça, oui, c'est... ne sont pas signées du nom de l'amoureux transi, mais de points. Alors, en effet, le destinataire doit deviner le nom de son admirateur grâce au nombre de points. Donc, c'est un point par lettre. C'est un pendu, quoi. C'est un peu un pendu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça peut être un peu embêtant si on se trompe. C'est, alors, t'es, voilà, tu te fais quitter dans la foulée, quoi. Josiane. Ah non, merde. C'est José. Ah, mais c'est drôle, je trouve ça drôle. Hein, finalement, ils sont c'est plus original, c'est un peu plus original que nous, quand même, je trouve. Que nous, oui. Ah, nous, on va bêtement dans des restaurants. Aujourd'hui, c'est original, un restaurant. Oui, hein, tu me diras. C'est vrai. C'est pas faux. Une dernière encore ? Une petite dernière ? Allez, une petite dernière. Alors, je choisis laquelle. Oui, oui, je choisis la mieux. Alors, à Taïwan, offrir 108 roses à une femme le jour de la Saint-Valentin, ça équivaut à une demande en mariage. Ah, 108... Il y en avait que 107. Alors, excusez-moi, voilà. Faut bien savoir compter. Hein. Alors, excusez-moi, je ne vais pas faire ma pince, mais 108 roses à 5 balles la rose, j'achète un appartement. Ça fait un peu cher. Plus le coût du mariage derrière. Quand oui, même. Bah ouais, puis t'es pas sûr encore que ça marche. Hein, donc, faut encore qu'elle dise oui. Hein. On est sur du 700 balles, ça fait cher. Hein. Est-ce qu'on peut remplacer par des mandarines ? Oui, c'est ça. ou des pots de bouc, peut-être. Bon, bah merci, c'est fort intéressant. Ça confirme, il semblerait que les hommes soient plus généreux que les femmes lors de la Saint-Valentin. J'ai vu ça à un sondage. Ah, ben bah, moi, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Jérôme. Non, c'est un petit message. Mais c'est logique. Directement. Hein. Bah, oui, bah, et oui, c'est l'homme ou la femme qui y pense vraiment ? Eh ben, je sais pas, en fait. Ouais. Si tu sais, Jérôme, moi j'ai une explication, en fait, pourquoi les hommes sont plus généreux. Parce que la femme, elle va prévoir son cadeau depuis longtemps, qu'elle va peut-être faire elle-même. Et donc, c'est quelque chose qui vient du cœur, alors que l'homme, il va faire ça à l'arrache le jour même, donc il va acheter un bijou et il va mettre le prix. Ouais, enfin, entre un bijou ou un cendrier en pâte à sel, qu'elle aura fait elle-même. C'est pas la fête des mères, c'est pas que ça. Tiens, chérie, ah ben, qu'est-ce que c'est ? Aurélie, ah, mais je crois que ma théorie, elle tient la route. Hein. Et Joss, on était en train de demander justement, c'est qui pense le plus à la Saint-Valentin, l'homme ou la femme ? C'est l'homme ou la femme ? Mais je pense que l'homme sent la pression de la femme plusieurs jours avant et du coup il y pense. C'est ça. Ça peut se prendre surtout une bonne engueulade, lui, si c'est ça. Donc pour pas se faire engueuler, on y pense. Ah, puis il y a la vieille. Il y a la vieille excuse pourrie de la fête commerciale. On dit ouais, mais bon, c'est la fête commerciale. Bon, Jérôme, tu voulais dire, Jérôme ? Oui, mais Aurélie, ne fais pas des généralités parce que moi j'ai déjà mon cadeau de la Saint-Valentin. C'est pas vrai, Jérôme ? Ah bah oui. Là, tu es en train de dire ça, t'es en train de nous foutre tous dans la merde. Bon, et tu veux pas dire ce que c'est dans 15 jours, hein, c'est vrai que ça va arriver vite. Ah bah non, il peut pas le dire parce que si elle écoute, après c'est. Bah oui. Bon, bah d'accord, merci à toi. En tout cas, ça fait débat, Isa, ta chronique. Je vois. Fadjet sur 94.2. On poursuit en ce samedi matin sur Fadjet, restez avec nous. On vous rappelle ce petit concept, hein. Nous sommes avec François ici même en studio et nous avons réuni certains animateurs, certains bénévoles de la radio depuis chez eux en visioconférence. Donc nous, on se voit, on voit quand ils nous envoient des messages, on essaye de vous en faire part également, on voit quand ils réagissent également. On vous rappelle qui est avec nous, Joss, Isabelle, Jérôme, Julien, Alex, Johan et Philippe. On est ensemble jusqu'à 10h sur Fadjet et on vous parlait de la Saint-Valentin. On avait même écouté un extrait de la BO de La Boum juste avant. Ouais, c'est ça. On va continuer en musique et peut-être une chronique qui va pourrir la Saint-Valentin si vous voulez danser, parce que vous n'entendrez plus et n'écouterez plus les chansons comme avant, de la même façon, et peut-être que ça va justement vous obséder et vous serez plus concentré sur la musique que sur la danse que vous ferez avec votre Valentin ou votre Valentine. C'est ça, Alex, des hallucinations auditives dans les chansons. Tout à fait, vous connaissez probablement le principe des hallucinations auditives lorsque nous croyons entendre autre chose que les paroles véritablement chantées par les artistes. Je vous ai préparé une petite sélection, alors tendez bien vos oreilles. Commençons ce voyage auditif avec Let's Groove de Earth, Wind & Fire. Première hallucination dans cette chanson, on peut entendre « Tête d'escroc, c'est quelque chose ». Ça vous a plu ? Ah, c'était génial. Tête d'escroc, c'est vrai que... Mais si tu le dis avant, forcément on l'entend derrière. Oui, c'est vrai qu'on forcément l'entend. Parce qu'on ne l'avait jamais entendu avant. Ben non. Mais Alex a une oreille particulière quand il écoute des chansons. Il détourne aussi. Hein. Parfois j'abuse. Alors... Si ça vous a plu, on va continuer. Le groupe Earth, Wind & Fire nous parlait d'escrocs juste avant. Pour moi, un escroc, c'est quelqu'un qui, par exemple, vous ferait croire qu'une Porsche, c'est pas grand-chose. Et c'est dans la chanson « Encore un soir » de Céline Dion que l'on retrouve cette confusion. C'est pas grand chose. Elle est vénale. Porsche, ouais. Elle est vénale. C'est juste une Porsche, c'est bon quoi. Oui, elle n'a pas évolué dans les mêmes milieux sociaux que nous-mêmes. Hein, on en parlait tout Alex, à l'heure. Alex, elle aurait pu dire c'est pas grand chose, c'est juste une Clio. Mais non, elle préfère une Porsche. C'était en 2016. Et deux ans plus tard, c'est Clara Luciani qui tentait de nous faire avaler ce genre de salade. Que une Porsche, c'est pas grand chose. Un mélange sucré-salé très audacieux qui consiste à marier le saumon, la salade et la grenade. Okay. Ça m'a fait penser à salade tomate-oignon oui, aussi. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Un dérivé. Je suis un peu de mauvaise foi sur cette hallucination auditive, mais je comprends tout de même pourquoi Clara Luciani demande à son invité de prendre garde. Ce mélange saumon-salade-grenade peut causer quelques flatulences, thème que l'on retrouve dans plusieurs chansons françaises, comme par exemple chez Mylène Farmer. Donne l'envie de paix, voir des anges à mes pieds, des anges probablement tombés à terre par l'odeur de gros vent des vallées d'Irlande. Il est des choses que l'on n'oublie pas, des odeurs de gros vent. Et je reviens. avez reconnu Hélène Segarra dans l'un de ses premiers tubes daté de 98. Vis-à-vis de ses problèmes de vent, nos artistes de 2020 ne sont pas en reste. Prenons par exemple la dernière chanson des Enfoirés intitulée « À côté de toi ». Dès la première écoute de cette chanson, j'ai été troublé par Christophe Maé, qui semble chanter sans l'anus, sans l'anus. Sans la nuit, sans la nuit, sans la nuit, pas le matin. Voilà, sans je vous ai pourri vos chansons de la Saint-Valentin. C'est pas et le petit déj aussi. Des hallucinations auditives, voire olfactives. Oh, j'ai quand même envie de rentrer en... Sans la nuit, sans la nuit, sans la nuit. Ah non, faut les réécouter ça quand même. Tu nous as tout détourné là, je ne sais plus quelles sont les vraies paroles. Non mais c'est vrai, même en les écoutant, j'arrive plus à savoir du tout quels sont le vrai sens des paroles. Je n'écoutais que ça. Merci Alex pour ce talent dont tu nous fais preuve ce samedi matin. D'ailleurs Alex, on retrouvera aussi tout à l'heure pour une autre chronique. Dans cette même dynamique, on est plus sur du plagiat après tout à l'heure, c'est ça ? Oui, c'est ressemblance entre les chansons, c'est ça, hein, Alex ? Tout à fait. Et je n'ose pas parler de plagiat, je ne voudrais pas renvoyer non. Non, parce que c'est lourd. Oui, c'est technique, ça, c'est vrai, c'est technique le plagiat. On va écouter une petite musique qui est sous une proposition de Philippe. Philippe, tu nous as proposé Indochine avec La vie est belle ce matin sur Fadjet. C'est Fadjet presque ensemble, les amis, on y est bien. Justice. Indochine sur Fadjet ce matin avec La vie est belle, parce que oui, la vie est belle. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. La vie est belle ensemble. La vie est belle ensemble. D'ailleurs, on a l'impression que sur ce jingle-là, on pourrait tous se tenir la, enfin, la main. Non, le gel hydroalcoolique. et puis marcher ensemble. Parce que c'est la première de notre concept. On vous le disait, Aurélie et moi-même sommes dans les studios 47 de la rue Charles III. Et nos chroniqueurs, eux, sont chez eux, devant leur café, leur thé, enfin, ce qu'ils veulent, hein, devant la télévision, peut-être aussi, mais avec nous, en fond sonore en tout cas. On est ensemble et on essaye de vous divertir. D'ailleurs, au demeurant, je voulais faire une petite aparté aussi parce que nous sommes en matinale et la matinale aussi de Fadjet 94 de service compris, bah c'est tous les jours de 7h à 8h sur un format un peu spécial, il faut le dire en ce moment, toujours aussi sur ce principe de la distance, voilà. Et nous, avec les chroniqueurs habituels, voilà, on a fait une année un peu particulière quand même, il faut le dire, où quasiment toute la saison va se faire en enregistrement à distance comme ça. Alors c'est une autre façon de faire de la radio, j'ai l'impression. On arrive quand même à se retrouver, je vois avec Joss aussi qui est là, ou Isa, chacun a son équipe du mardi ou du vendredi, ils arrivent à se réunir quand même et puis faire une émission. Elle est effectivement, on peut le dire, pas diffusée en direct, mais nous, on arrive quand même à y mettre de la bonne humeur, quoi. Et puis bon, on a permis maintenant avec tous les outils numériques aussi, ça permet de se voir. En l'occurrence là, donc on rappelle le concept, tu le disais François, nous sommes en studio et nos très chers chroniqueurs de Fadjet sont en visio, donc nous on les voit, on a l'impression d'être presque ensemble en tout cas, et ils peuvent également nous voir, donc on voit un peu leur réaction. Malheureusement, bien sûr, mais ça, c'est la radio. Bah oui, c'est les auditeurs ça. Ne nous voient pas, ne les voient pas, c'est normal. C'est normal. Mais nous, on se voit au moins. On gagne ça. D'ailleurs, vous verrez, on fait une petite photo, on fera une petite photo, et bien sûr, les réseaux sociaux. On le rappelle, c'est Radio Fadjet officiel. On va poursuivre cette émission avec le plus jeune de la bande. Le plus jeune, mais finalement, qui va aborder le sujet le plus sérieux c'est de vrai. Ce matin. On va retrouver Julien, qui nous propose l'émission Culture Ado le mercredi après-midi sur Fadjet. Comme son nom l'indique, Julien, c'est un ado. Mais Julien, aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de l'abolition de la peine de mort. Et oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu plus sérieux. C'est un thème que j'ai abordé en philo pendant mes cours et je l'ai trouvé super intéressant. Alors, j'ai décidé d'en faire une chronique. Merci Julien, parce que moi j'ai eu deux en philo, hein, faut le dire. Juste au bout de... alors, pour l'instant, c'est mes premiers cours de philo, donc ça se trouve, je suis aussi mauvais que toi. Non, verra. J'espère pas, Julien. Alors, pour cette chronique, vous allez le constater, je vais beaucoup m'appuyer sur Robert Badinter. Cet homme, c'est un grand avocat, né en 1928, et il est connu pour avoir été juriste, homme politique, et surtout à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France. Durant sa vie, Badinter a toujours plaidé contre la peine de mort. Aujourd'hui encore, du haut de ses 92 ans, il continue à soutenir les pays qui sont sur le chemin de l'abolition. Mais il a toujours fait ça et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il mène un combat aussi difficile durant sa vie. Eh bien, c'est la question à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui. Revenons en 1972, sa date. Ici, dans cette émission, peu d'entre nous sommes nés à cette époque. Fais attention, si t'inquiète. Fais attention. Il a voulu être gentil. Il hein. a voulu être gentil, mais c'est je vrai crois qu'on était pas mal à être nés quand même. Oui, c'est ça. On dira pas qui. On dira pas qui, voilà. Et puis, voilà, ça fait un peu plus de 40 ans, presque 50 ans, enfin, voilà. En 1972, il y avait Roger Bontemps, qui était complice d'une prise d'otage sanglante et d'évasion de prison avec Claude Buffet. En juin 1972, le procès de ces actes eut lieu et Robert Badinter, donc, était chargé de défendre Roger Bontemps. Et durant le procès, l'avocat fut son possible pour alléger la peine de l'accusé. Jusque-là, c'était son métier. Sauf que le verdict du procès, il condamna Roger Bontemps et son ami Claude Buffet à mort. Les deux avocats des deux accusés furent mis au courant et Robert Badinter assista à l'exécution de son client le 28 novembre 1972. Donc à partir de là, ça a traumatisé l'avocat. Et il se jura, alors que, je cite, donc j'ai pris ses paroles, « Jamais plus de ma vie, je ne cesserai de me justice qui tue. » Et suite à cela, l'avocat, à chaque plaidoirie, il perçoit la défense de son client comme un devoir de lui sauver la vie. Et c'est ce qui va mener la France à l'abolition de la peine de mort. En 1977, par exemple, Patrick Henry fut accusé d'homicide d'un enfant de 7 ans. D'un côté, il y avait le grand public qui voulait sa mort. Et de l'autre côté, il y avait Badinter qui défendait son client. Et devinez qui a gagné au procès. Badinter ? Oui, c'est Badinter. Badinter, il avait réussi son combat et il avait sauvé la vie de son client. Et donc, son client, au lieu de mourir, il a été condamné à perpétuité à la prison. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, Badinter, pour réussir son plaidoyer ? Il a, en fait, misé comme stratégie de plaider contre la peine de mort plutôt que de plaider en défendant son client. C'est-à-dire qu'il a admis que son client a fait des choses atroces, mais il ne voulait surtout pas qu'il meure. Et donc, c'est comme ça qu'il a réussi à sauver la peau de son client. Et on va maintenant s'avancer de quelques années, et nous voilà le 10 mai 1981. L'année 1981, c'est l'année où l'abolition de la peine de mort eut lieu. Et le 10 mai, c'est l'élection présidentielle, et c'est le jour où François Mitterrand fut élu président de la République française. Dans son programme, il a promis qu'il abolirait la peine de mort durant son mandat, et alors il nomma Robert Badinter donc, en garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de la Justice, pour mener à bien ce projet. Et bien que l'opinion publique à cette époque était pour le maintien de la peine de mort, donc il y avait plus de deux tiers de personnes qui étaient pour le maintien de la peine de mort, un projet de loi fut annoncé pour le 18 septembre 1981 pour abolir la peine de mort. Et donc la suite, on la connaît, Badinter, il fut un très très long discours pour expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait abolir la peine de mort. Et donc j'ai écouté une grande partie de son discours et c'était très étonnant comment Badinter tenait à ses propos. Il était à fond dans ce qu'il disait et on voyait qu'il y avait de l'émotion. Et donc c'est à partir de là que les députés ont voté le 18 septembre contre la peine de mort. Et enfin, elle fut abolie le 9 octobre 1981. D'accord, c'est un sujet qui te tenait particulièrement à cœur, Julien ? Oui, oui, oui. Il m'a beaucoup intéressé pendant que je faisais mon devoir en philo, ouais. et j'ai décidé d'en parler, ça m'a beaucoup intéressé. Mais c'est bien de rappeler que c'est pas si vieux que ça, non. L'abolition de la peine de mort en France. C'est important, c'est contemporain. Alors tout à l'heure, je me suis avancée un peu vite en disant que beaucoup étaient nés en 1972, peut-être pas, mais 81... Jours après. Oui, voilà, mais 81, si. 81, je dirais que si, peut-être. Il y a Philippe qui a levé la main. Je t'ai dénoncé. Oui, merci de penser à ceux qui sont nés avant 72. Voilà, on pense à toi. Mais oui, en tout cas, la France était un des derniers pays, c'était le dernier pays de l'Occident à abolir la peine de mort. Et parfois, il y en a encore qui la réclament aujourd'hui sur des procès. Hein, face à des terribles... Oui, c'est ça. C'est encore une opinion très partagée. Ouais. Il me semble qu'il y a 45%... des gens en France encore aujourd'hui qui sont pour la peine de mort sont des actes de mort, abjects, oui, il y en a. Mais après il y a toujours ce débat de se dire qu'est-ce qui est pire pour quelqu'un qui a commis des crimes horribles, passer enfermé. Sa vie en prison ou lui retirer la vie. Donc c'est ce débat-là aussi qui fait que parfois c'est compliqué d'avoir un avis très précis. Très tranché, oui, c'est ce qu'à le dire. Merci. Merci à toi, Julien. Julien, donc on retrouve quand alors sur les ondes de Fadjet ? Eh bien, mercredis après-midi. C'est ça, Julien ? Oui, c'est ça. Bon, en ce moment, on est un petit peu en pause. Ouais. Les studios nous manquent beaucoup. On aimerait beaucoup revenir, mais bon, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. On a envie de retrouver les studios, on le comprend bien. On va faire une petite pause musique hein, avant de retrouver Alex. On va se détendre en musique. Il revient, il va me refoutre un coup de pression avec toutes ces musiques, celui-là. On va écouter, vous êtes sur Fadjet, c'est le matin, c'est le samedi, c'est le week-end, on y est bien. Allez, on se refait un petit café ? Allez, on se refait un petit café, les amis. On se retrouve juste après. Et on va écouter Bébé Jean. Le soleil, la mer, les oiseaux qui chantaient dans l'air intense des longues nuits d'été. Hier encore tes mains sur ma peau qui glissaient sur moi comme de l'eau douce, douce, douce. Et puis le temps a tourné, une première goutte est tombée et les éclairs et le tonnerre c'était l'orage. Et puis tes mains m'ont quitté, t'avais d'autres chats à fouetter. Depuis je miaule, ouais j'ai la rage. Il fait si froid. Il fait si chaud, bébé Jean sur Fadjet. Fadjet, presque ensemble. Et oui, les amis, on est presque ensemble, on a le 16 de vous le dire. C'est un nouveau programme qu'on essaye d'organiser ici à Fadjet avec nos chroniqueurs, nos 6-9 chroniqueurs, c'est ça, de tête. Hein, 7. De tête en regardant la tête. 7, ah oui, c'est ça. 9 avec nous, oui. 3 et 3, 6. C'est pour ça que j'avais dit, j'ai pas fait beaucoup de scolarité. Hein. Oui, t'as eu 2 en philo et combien en maths ? 2. Non, j'ai mais eu, c'était il y a longtemps. Non, en maths, tu vois, j'ai fait, alors pour raconter ma petite vie, hein, c'était pas les maths, c'était la compta. J'ai fait une première comptabilité. À la fin de l'année, elle m'a dit 2,5, elle connaissait pas mon prénom. Donc je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. À la fin de l'année, elle t'a dit 2 plus 2. Je crois vu comment tu l'as regardé, elle s'est dit sortez. Ouais, d'ailleurs, je peux profiter de Jérôme, tu me feras quelques cours d'écho de oui, toutes ces choses-là parce que j'étais vraiment pas bon. J'ai de grosses lacunes, hein, de grosses, grosses lacunes. On va poursuivre cette émission Fadjet presque ensemble, les amis. On va retrouver Alex, n'est-ce pas ? Alex, qui va encore nous pourrir les chansons, puisque on va peut-être ne moins aimer certaines chansons en se disant qu'ils ont peut-être piqué un peu certaines idées. C'est ça le concept, hein, des ressemblances volontaires ou pas, Alex ? Tout à fait, donc on peut détester les chansons ou détester le chroniqueur qui oui, va faire cette prestation. Oui, mais comme tu fais ça avec le sourire, on a du mal à te détester. Comme vous êtes gentil. En ce samedi matin un peu couvert, lorsque nous écoutons certaines chansons, nous avons parfois un sentiment de déjà entendu. Sachez que je suis comme vous et que je me suis investi d'une mission, celle de retrouver les inspirations de nos artistes, qu'elles soient volontaires ou non, comme le disait Aurélie. De balancer. Je vais vous révéler quelques secrets de chansons françaises et internationales. Certaines enquêtes sont d'ailleurs en cours. Pour commencer, voici les premiers accords de la chanson « Elle m'a dit » interprétée par Kali. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois... On connaît ces fameux accords magiques que l'on retrouve dans tellement de chansons. Il n'était pas difficile de trouver quelques alter-ego musicaux. Et la chanson que j'ai choisie, et à laquelle me fait penser Kali, c'est celle-ci. Ah oui. Connaissez-vous cette intro ? Je crois que je ne t'aime plus. Zombie. C'est moi qui fais une petite erreur. Oui, voilà. On a tous reconnu Cranberry, c'est ça ? Tout à fait. Zombie en 1994. Mais que pourrait donc donner Kali avec les Cranberries ? Serait-ce les Caliberries ? Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme mon coup de revolver. C'est une rapide. Mais tu as ralenti, oui. Tu as ralenti Kali. Oui, en fait, je joue sur la hauteur musicale, si jamais c'est un demi-ton en dessous ou au-dessus, et je vais étendre pour coller un peu au rythme de la... Propose-lui, ça déchire. si tu le dis, je te prends cette parole. Donc c'est rapidement préparé avec les ustensiles à disposition dans ma cuisine. Deuxième exemple d'inspiration trouvée dans une chanson de Christophe Maé. Là encore, vous me direz, bon, déjà il a parlé de Christophe Maé dans sa chronique précédente. Oui. Mais Christophe est parfois pointé du doigt pour la base unique de la plupart de ses tubes. Et je le comprends. Moi, quand je réussis une recette de cuisine, je ne vais pas m'amuser à la modifier au risque de faire fuir mes convives. Et c'est bien d'être fidèle à ce que l'on est et à ce que l'on compose. Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu. La source de Belle Demoiselle, pour moi, c'est Save Tonight. Ah oui, c'est exactement ce que je me suis dit, oui. Ah. On a tous envie de chanter. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a tous envie de chanter. Hein. Et oui, ce tube Diggle Eyed Cherry est sorti en 1997. Allez, on se tente à nouveau la superposition. Soyons fous et écoutons Save Demoiselle. Belle Demoiselle se presse d'en aller, ça démarche, puis donne des ailes. Mais j'ose pas m'emballer, et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une grande éclose. Et mais, pour clôturer, oui. Je voulais t'interrompre, mais c'est vrai que c'était l'humoriste aussi qui reprenait beaucoup les 3-4 notes de. Je sais comment il s'appelle cet humoriste-là. Je n'ai plus son nom, je vais le rechercher. Qui reprenait régulièrement. Toutes les notes de Christophe Maé sont les premières, je crois, à chaque fois. C'est les mêmes notes. C'est vrai, je me demande si c'est Michael Gregorio. Voilà, c'est ça. C'est Michael Gregorio, excuse-moi. C'est vrai tout que c'est. Pour clôturer ma chronique, je vous ai gardé l'affaire la plus complexe, à mes yeux, la plus épineuse, celle de la chanson Riche de Claudio Capeo. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche, quand on est riche d'être père? Et oui, riche de Cabossel, on en parlait tout à l'heure. Donc, perturbé par les coups. Écoute de cette chanson, persuadé d'avoir déjà entendu cette mélodie, j'ai cherché pendant un long moment. Alors quand je cherche, je fredonne une dizaine de fois la mélodie dans ma tête en essayant d'y coller des mots en français, en anglais, mais rien ne collait. L'illumination m'est enfin apparue, mais elle était portugaise. Faut aller la chercher celle-là, hein, quand même. Faut aller la chercher. Et oui, Linda de Souza, cette chanson de 1981, intitulée « Nao Chores, ne pleure pas », n'est pas sortie en single, passant donc totalement en dehors des radars sur les réseaux sociaux. Je vous livre donc une exclusivité que je tente de confirmer. En effet, la majorité des compositeurs et arrangeurs de ce titre de Linda de Souza sont décédés. Impossible de les solliciter, puisque je n'arrive pas à communiquer avec eux là. Difficile également de contacter Linda de Souza. J'ai donc écrit à son agent qui ne m'a pas encore répondu. C'est vrai? Non. Oui, je lui ai écrit et non, il ne m'a pas encore répondu. Ah oui, d'accord. Pourtant, les origines de Claudio Capeo sont italiennes et non portugaises. Et Linda de Souza et le Fado n'ont donc pas tourné en boucle à la maison pendant son enfance. Par contre, ils ont tourné en boucle dans la mienne. Voilà pourquoi j'ai réussi à trouver. Et j'ai l'honneur, privilège, dis-le. Ce samedi matin, dis-le, de vous faire écouter la superposition des deux chansons. Et le titre, et le nom surtout de l'artiste. Oui, Linda de Capeo. À quoi ça sert d'être riche, quand on est riche d'être la question. Mais je produis, Alex, je produis, hein, je signe. Hein. Alors, je pense que ça fait un tube de ouf. Hein. Oui, c'est un accident qui est arrivé au niveau du montage audio de ma part. Donc, il reste un mystère. Est-ce que Claudio est ou ses compositeurs, puisqu'ils sont trois que j'ai tenté aussi de contacter, j'attends leur réponse. Oh, c'est incroyable. Ont-ils entendu cette chanson? S'en sont-ils inspirés, même involontairement? Le mystère reste entier et toute mon équipe, composée de moi-même uniquement, va tenter de le résoudre. Essaye de contacter Gad Elmaleh. Je crois qu'il s'y connaît Oui, c'est ça. Mais c'est extraordinaire. Alors, fallait la trouver quand même, Linda Tsoul. Hein, bravo, hein, parce qu'on peut le dire, fallait vraiment aller la chercher. Il faut avoir une sacrée culture musicale. C'est ça, hein. C'est ça. C'est ça, bravo, en tout cas. Et j'aimerais. T'as déjà eu des réponses de producteurs ou de musiciens quand t'as. Parce que tu fais ça depuis un petit moment aussi sur Fadjet, tu le faisais avant, ces chroniques-là. Est-ce que t'avais déjà contacté justement les compositeurs, les auteurs? Non, je faisais ça dans leur ombre. C'est ça, mais là alors, tu viens vraiment de les contacter là. Là je les ai vraiment contactés parce que en fait comme je n'arrive pas à trouver une information sur internet, parce que parfois on a un doute, on va chercher et puis on va trouver l'information. Là, comme c'est une chanson qui est totalement dans le back catalogue de Linda Tsouza, qui elle-même est dans le back catalogue des maisons de disques, c'est voilà. Puis ils vont se sentir piégés, je pense. Ils vont pas te répondre à mon avis, parce que c'est tu peux te dire merde, con, casse tout, Linda Tsouza, fallait la trouver celle-là. Tout est dans l'art d'amener la chose. Je n'ai pas abordé de ressemblance. Je leur ai juste dit voilà, je m'interroge sur les inspirations. On s'interroge, hein. On se pose des questions. Fais attention en démarrant ta voiture lundi. Hein, c'est bien beau. Je n'ai pas le permis et c'est pour ça que je peux me permettre de faire cette enquête. C'est bien. En tout cas, Alexandre Benfento. Muito obrigada. Alors, par contre, je ne sais pas s'il parle vraiment portugais. En fait, c'est que je ne sais dire que des mots pas corrects. Voilà, d'accord. Bah, écoute, merci Alexandre pour cette sympathique chronique. Est-ce qu'on te retrouvera sur les ondes de Fadjet? Je t'oblige un petit peu comme ça, tu vois. Oui, parce que là, je suis au pied du mur, ouais. Je n'ai pas d'autre choix. Oui. Alors, j'en ai vraiment très envie. Et donc, si le format peut se reproduire tous les mois, je pense que c'est une fréquence qui peut me convenir. Oui, parce que c'était compliqué avec ton travail. Oui, c'est ça. Arrête de travailler. Oui, fais comme tout le monde. Consacre-toi à Fadjet. Tout à fait, je peux abandonner ma carrière professionnelle au profit de la radio. Tu as une carrière. Et puis, c'est le genre de chronique, ça se fait rapidement. Oui, tu vois, oui parce que tu bosses surtout beaucoup. Surtout celle-là. Voilà, c'est ça. Tu bosses beaucoup sur une chronique telle que celle-ci. Merci à toi, en tout cas, et merci à tous. On continue notre émission. En tout cas, Fabienne, pourquoi j'allais t'appeler Fabienne? C'est la directrice de Fadjet. On la salue. Elle nous écoute peut-être. On la salue, oui. Qu'on peut saluer, bien évidemment. Oui, exactement. On va poursuivre cette émission Fadjet presque ensemble. Je trouve qu'on est bien. J'ai envie de rester encore un petit peu là avec vous. On écoute un peu de musique. On a encore un petit peu de café. Ouais. On attend juste une âme charitable pour nous apporter des petits croissants. Oui. Ça pourrait être pas mal pour accompagner le café. Alors, vous les déposez devant la porte, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas rentrer. Donc, règles sanitaires, évidemment. Oui, obligé, c'est une bonne excuse. Mais on va poursuivre donc cette émission. On refait un petit tour d'horizon de tous ceux qui sont avec nous quand même pour cette fin d'émission. Alex, Philippe, Julien, Johan, Isabelle, Joss, Jérôme et donc François et moi-même ici en studio et tous les autres à distance, bien au chaud chez eux. On va parler dans quelques instants de Daniel Balavoine, 35 ans déjà, qu'il a disparu, ce sera avec Jérôme. Mm-hmm. Et puis, pour terminer cette émission, pour arriver tout doucement jusqu'à 10h, on va peut-être jouer un petit peu et vous donner quelques... alors j'allais dire des infos sorties, non, des sorties chez vous, affaires de chez vous. Des infos vidéo, des infos sorties vidéo. Exactement, sortez vos écrans ce week-end. Voilà, et c'est juste après, alors je vais essayer de prendre mon plus bel accent, Joss, anglais, mais pour dire John Legend et Fauzia, et c'est Minfield sur Fadjet. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you when you're real enough started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair. Maybe I'm just Et John Legend avec leur titre Minfield ce samedi sur Fadjet. Ensemble. Fadjet, presque ensemble. Et oui, on est presque ensemble et on est presque à la fin de l'émission, non ? Bientôt, hein ? Oui, déjà, ça passe donc, vite. Ça avance vite, hein ? On est presque ensemble avec nos 7 chroniqueurs à distance et Aurélie et moi-même dans les studios au 47 de la rue Charles III. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Fadjet, c'est l'adresse. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Vous pouvez pas y venir, mais on vous donne l'adresse quand même. Dire, parce que j'ai l'habitude de dire, vous pouvez venir nous voir, mais non, pas du tout. Vous restez encore une fois devant la porte. Mais vous pouvez nous déposer des choses devant des la porte. Des choses, des cadeaux, tout ça, on a des croissants tout. Le matin. Tout voilà, ça, c'est croissants, cool. Voilà, du jus d'orange. Et si vraiment vous voulez, vous pouvez nous envoyer des petits messages aussi sur la page mais Facebook. Oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, bien sûr, pour suivre toute l'actu. Parce que, on le disait, les studios sont fermés aux bénévoles, mais certains continuent à distance et nous proposent toujours des émissions. Donc, pour connaître un peu le contenu, le programme, comment ça évolue, il faut nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à nous liker également. Oui. Là, l'objectif, on a passé en ce début d'année les 6000 likes sur la page Facebook officielle. Donc, l'objectif pour fin février, c'est 7000. 7000 pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, sinon, ce serait bien. C'est un coup de peau de bouc. Montrez combien vous nous aimez en nous likant sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir tout simplement notre site internet www.fadjet.net. Il y a tous les podcasts en voilà. Plus. Il y a tout ce qu'il faut. On va poursuivre et terminer cette émission, et notamment, entre autres, avec Jérôme qui va nous parler de Balavoine et des 35 années de sa mort, 35e année. Et oui, donc le 14 janvier 86, effectivement, Daniel Balavoine trouvait la mort dans un accident d'hélicoptère au Mali pendant la course du Paris-Dakar. Et il avait 33 ans. Et en quelques années, depuis sa révélation dans l'opéra rock Starmania en 1978, il a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la chanson française. Alors c'est justement l'occasion de revenir sur sa carrière et d'évoquer quelques-unes de ses chansons, le plus souvent au message fort. Et je vous propose de faire un tour de table en demandant à chacun d'entre vous quelle est la chanson de Balavoine qui vous a marqué le plus. Alors moi, personnellement, j'ai hésité entre Sauver l'amour et puis finalement, j'ai choisi Mon fils, ma bataille, dans la chanson de 1980, qui raconte la lutte d'un père pour conserver la garde de son enfant. Alors, je ne sais pas, on va commencer par Joss. Je ne sais pas si tu as une chanson de phare de Daniel Balavoine. Tu reviens ? Celle que j'ai beaucoup aimée et je pense que c'est d'actualité, hein. Pour moi, vivre ou survivre. Oui. C'est, en ce moment, on a envie de vivre. Bien sûr. Donc, ça me donne un plus en l'écoutant. Je me dis, tu as quand même des phrases qui sont importantes. Ouais. Très bien. Et Isabelle ? Bah, moi, c'est Sauver l'amour. Sauver et l'amour aussi. Aussi. Je suis fan de toutes les chansons de Starmania, donc... Voilà, j'adore aussi. Alex ? Alors, c'est très difficile de choisir une chanson dans le répertoire de Balavoine parce que j'apprécie beaucoup. Là, j'ai une chanson que j'ai écoutée assez régulièrement dernièrement. C'est « Quand on n'a plus rien à perdre ». C'est extrait de l'opéra rock Starmania. Et il le chante en duo avec France Gall. Elle est très peu connue, hein, puisque moi, je n'explore que le catalogue, je vous le disais tout à l'heure. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et tant, quand on n'a plus rien à perdre. C'est ça. Philippe. Oui, parce que je suis un peu comme Alex, hein, très difficile de choisir, parce que j'ai apprécié beaucoup Balavoine. Alors, comme certaines chansons que j'apprécie encore aujourd'hui ont déjà été citées, moi, je dirais « La vie ne m'apprend rien ». Voilà. Alors, Julien. Oui. Alors moi, Balavoine, c'est pas du tout ma génération. Est-ce que tu connais même... Comment ça se fait que pour autant J'ai quand même une chanson, c'est Le Chanteur, que j'écoute des fois en soirée avec les parents. C'est une chanson que j'aime bien. Et par contre, c'est vrai que tu l'as dit, Jérôme, il y a un chanteur un peu plus actuel qui reprend aussi, qui va reprendre du Balavoine, c'est Slimane. Peut-être. C'est pas sûr. Ah, non, c'est pas Balavoine. Ah, bon. C'est pas Balavoine. Non, c'est pas Balavoine. Donc, c'est un chanteur des années 80. Ah, c'est pas du tout. Donc même, il y a un chanteur qui est Montagnier. Mais voilà. Voilà. Donc il y a un chanteur qui ne va pas reprendre en tout cas Balavoine. C'est Slimane. Voilà. Voilà une info qu'elle est intéressante. Voilà, dans un mois, on écoutera. Et Jules ne reprendra pas Balavoine non plus ni Maître Gims. À savoir parce que Maître Gims, faut savoir que si vous voulez. Oui. Si vous voulez, j'y travaille. Et Balavoine ne reprendra personne. Si je peux me permettre, François, oui. Jérôme peut s'entraîner et reprendre les succès de Balavoine. Voilà, voilà. Piégeant parce qu'il m'a piégé. On fera un essai le mois prochain. J'ai un mois pour m'entraîner. C'est ça. Surtout que c'est très haut quand même à Balavoine. Il faut le chanter. Voilà, c'est très haut. Voilà. Il y a Johan, je crois qu'il ne sait pas qui c'est. Oui, oh bah moi c'est SOS d'Intérieur en détresse. Ah oui, c'est vrai, c'est une très belle chanson aussi. Qui explore tout. Toute la gamme de voix de Daniel Balavoine, ouais, effectivement, ouais. Des notes les plus aiguës aux plus graves, et c'est sans doute l'une des chansons les plus difficiles du répertoire de la chanson française. Plus compliqué. Et je crois que c'est la chanson qui a été la plus reprise par les artistes, et j'adore la version de Zaz, je crois qu'il l'a reprise, je crois. Ah ben je ne sais pas, je ne dis plus rien, parce que moi après je vais dire encore que c'est je ne sais pas qui a pris, donc... Alors petite question, quelle est la chanson qui a connu le plus grand succès, qui a connu le plus grand nombre d'exemplaires vendus? Moi, je dirais l'Aziza. C'est le dernier album de Balavoine, plus d'un million d'exemplaires pour l'Aziza. Et qui avait eu le prix aussi de SOS Racisme à l'époque. Oui, c'est ça. Oui, il y a une histoire autour de l'Aziza. Et François, je crois que tu nous as donc réservé une chanson donc, de Balavoine qui date justement de son opéra rock Starmania. Oui. C'est quand on arrive en ville, alors je sais pas, c'est à l'unanimité, on l'écoute ou on peut choisir ce que vous voulez. Est-ce qu'on a le choix, François? Alors, vous avez le choix. Avant le reconfinement, on va en profiter pour arriver en ville. C'est ça. Parce qu'on va peut-être plus pouvoir y aller. Non. Et donc c'est une chanson que ne chantera pas Slimane. Voilà. Donc c'est Daniel Balavoine. C'est quand on arrive en ville. Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir des gars qui se maquillent. Alors je voyais bien danser les gars et les filles hein, sur quand on arrive en ville, mais malheureusement qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le temps. Et bientôt 10h. On n'a plus le temps, c'est bientôt, c'est la fin de l'émission, c'est ça, on peut plus. Désolé de vous couper dans votre élan. Ben oui, il nous reste quelques secondes encore pour se dire au revoir, Aurélie, non? Mais oui, et on voulait juste vous rappeler donc ce week-end évidemment pas mal de choses sont sorties. Si vous n'avez pas envie de faire les soldes, vous pouvez profiter quand même de certaines choses depuis chez vous. Il y a la salle Porel qui vous propose un concert sur Facebook ce soir à 20h30, initiation méditation Zen également à 13h45 par le Dojo Zen sur Facebook. Et puis pour les étudiants, il y a un forum virtuel de l'École des Mines sur Discord cet après-midi, 15h30. Donc voilà, si vous voulez quand même avoir des choses à faire et pas forcément zapper sur votre télé, il y a d'autres choses à découvrir aussi depuis chez vous. Et on vous laisse donc pour cette première émission. On dit au revoir à Alex, à Isa, à Philippe, à Jérôme, à Johan, à notre Joss, à Aurélie aussi, à Julien aussi. Hein. Et puis on vous dit merci. Merci à vous. D'avoir passé votre samedi matin avec nous, chers chroniqueurs, chers auditeurs. Et à bientôt, bonne journée, restez sur les ondes de Fadjet. Salut les amis. Ciao.